soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre quand regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone, autour du pâté maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce lundi 13 novembre 2023, bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles. Spécial en ce lundi 13 novembre, un début de semaine comme un lundi, mais qui surtout annonce un bel événement radiophonique tout au long de cette semaine. C'est une sorte de festival radio qu'on vous propose. Démarrer déjà depuis deux sessions, mercredi dernier, hier dimanche, aujourd'hui depuis ce matin même, le festival Furieuse Furania, dédié sur 895 de Dio jusqu'au 19, voire peut-être le 24 novembre prochain. Également consacré à la parution d'un ouvrage. Voilà, on a saisi cette opportunité, cette occasion pour vous proposer ce petit festival et moments radiophoniques autour de cet ouvrage livre, mais aussi compilation, 4 vinyles sur la scène musicale underground stéphanoise entre 1980 et 2020. Alors plein d'invités en studio ici pour justement nous parler de cette sortie très prochaine et donc consacrer cette émission spéciale à ce livre-disque. Alors, différents invités autour de la table, bonjour à vous déjà. Salut à toi, camarade. Et salut, bienvenue sur Dio. Alors, on va vérifier surtout et s'assurer que tous les micros fonctionnent. On va faire un petit tour de table de présentation. Tiens, pour commencer, c'est toujours bien de commencer par le commencement. Qui est avec nous ? Ben, y a Lolo Malfoy, on va appeler comme ça, fondateur de Blue Note, Kronstadt, et pilier de SWK, on va dire. J'ai quitté la ville il y a 35 ans maintenant, mais ça reste ma ville de cœur et j'y suis souvent. On va revenir sur déjà tout ce dont tu as parlé, parce que Blue Note, SWK, Kronstadt, ça parle pas forcément à tout le monde, mais on va revenir dans le détail durant cette émission. Bien sûr, pour évoquer ensemble et parler et présenter de quoi il s'agit. Juste à tes côtés, à ta gauche. Salut. Hélène. Alors, une ancienne SWK aussi. Et puis, je représente aussi le fonds HB qui a soutenu le projet de l'ouvrage Furania. Très bien. Salut, Dom. Alors, bébé SWK et co-papa de Metz Collectif. Ok, Dom. Et moi j'ai fait partie d'Avataria et Totonen Palasoupe plus particulièrement, voilà. Très bien, merci à vous en tout cas d'être là, vous êtes un peu les tontons tata, hein, autant le dire de suite. Et on va évoquer cette histoire que vous avez tenté vous aussi hein, de tracer finalement hein, au travers de cet ouvrage et de cette compilation. Il y a pratiquement, si je ne me trompe, 43 titres. 43 groupes, ouais, plus 4 ou 5 jingles. Voilà, qui compose donc ce double vinyle. Double compile. Et qui tente de retracer cette histoire de cette scène indépendante stéphanoise de 80 à nos jours, à 2020, on va dire. Merci encore à vous d'être là, émission spéciale donc Furania. On va commencer de suite, parce que c'est notre règle habituelle sur cette antenne, que de présenter nos découvertes et artistes soutenus chaque semaine par notre Fédération Nationale, qui est une fédération des radios associatives rock de France, ou Radio Musiques Actuelles, la Ferrarock. Alors, double proposition cette semaine, autour du projet Sarah Kiniko pour l'album Dehors. Et puis je voulais nous arrêter là sur cette autre proposition, cette deuxième album et donc artiste soutenu cette semaine. C'est un album qui est sorti il y a tout juste quelques jours, c'était fin de semaine dernière, ce 10 novembre. L'album It's a Bomb de Tonnerre et Bikai. Alors c'est un mélange d'un artiste congolais, Bonnie Bikai. Donc on est plutôt dans un registre musique du monde, trad, folk, mais vous allez voir qu'on va bien au-delà, puisqu'il s'est accoquiné avec le trio Tonnerre, qui reprend le flambeau donc pour l'accompagner et construire finalement ensemble ce disque. Avec donc Guillaume Gilles, Olivier Viadero, Gaël Salomon, Johan Dubo notamment, et puis d'autres participations. Je vous propose de découvrir un extrait de cet album, ça s'appelle Keba Nabutu, et c'est sorti via Born Bad Records. Voilà, c'est l'artiste et l'album soutenu cette semaine. Des mots des sons sensibles, c'est parti. Tonnerre et Bonnie Bikai, le Congolais associé pour cet album It's a Bomb, sorti ce 10 novembre dernier via Born Bad Records, le fameux label parisien. C'est la découverte et l'artiste, album soutenu cette semaine par la Ferrarock. Plus d'infos bien sûr en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant interviews et autres écoutes possibles de ces albums. Ce sera dans notre programme collectif et mutualisé Dig Dig Diggers que vous retrouvez chaque vendredi 12h, 19h et le lundi en matinale dès 8h. Alors on a des oreilles expertes ici. Alors autant d'emblée vous demander votre petit avis retour sur cette petite nouveauté du jour. Ben, vite fait comme ça, c'est là vraiment sympa. Hein. Plutôt pas mal. Ouais, ouais, j'aime bien les trucs hybrides là. Signature chez Bandbad, dont on parlait aussi hors antenne ou presque. Bandbad Records qui a aussi réédité un fameux groupe stéphanois, Chacha Guitry, il y a 10 ans tout juste d'ailleurs, c'était en 2013, ouais, tout à fait, ouais. De cela, et qu'on avait d'ailleurs invité sur cette antenne qui devait nous rejoindre ce jeudi dans ce même programme Démo des Sons et qui finalement ne pourront être présents mais qui seront bel et bien là le 25 novembre prochain parce qu'on t'en annonçait de suite le 25 novembre, Méliès Saint-François. Ce sera la sortie officielle de ce livre disque Furania. On va parler de cette soirée bien sûr de lancement donc le 25 novembre prochain. On ferme cette petite parenthèse Tonnerre Bicaille Ferrarock Bandbad Records pour revenir donc sur ce projet avec nos invités aujourd'hui, Laurent, Hélène, Dom et Françoise. Furania, au début on aurait pu se demander de quoi il s'agissait. Furania, c'est une fameuse station d'épuration à Saint-Étienne. Déjà, on aurait pu penser à quoi, un projet d'urbanisme ou design assez chic et branché. On aurait pu penser à un nouveau Dico Gaga qui pourrait paraître aussi, tiens, prochainement. Bref, ça laissait place à plein de possibles, plein de possibles. Furania, finalement, c'est un autre projet dans lequel vous vous êtes lancé. Alors, avant de faire l'histoire, histoire de l'histoire, la genèse, d'où vous êtes venue cette furieuse Furania idée ? Eh bien alors, il y a quelques années, ça fait bien presque 5 ans, avec mon copain Dom, on avait envie de ressortir un morceau intégral de Naked Beast que moi j'avais publié sur une compile, mais tronqué, pas la compile, le morceau. Et donc, comme c'est un des morceaux que je trouve vraiment fabuleux, j'ai dit « Allez Dom, on va refaire un 45 tours avec Naked Beast ». Il dit « Ah ouais, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on met de l'autre côté ?»« Bah, on sait rien. Hein. Bon, on va faire une grosse compile. » Alors, on est parti sur une compile avec Sylvain et Maz. Et puis, on a eu un peu de mal à s'accorder. Et puis, le Covid est arrivé là-dessus, donc ça a tout foutu en stand-by, plus qu'en stand-by. Et puis, à l'anniversaire de SWK, tout le monde s'est retrouvé avec amour et joie. Et Dom a branché... Hélène, ex-SWK, donc, et du fonds de dotation HB, si on pouvait faire un espèce de projet là-dessus, sur une compile, et puis on a fini par faire un bouquin de 250 pages et une quadruple compile. Truc complètement délirant, quoi. J'avoue que quand on regarde le coffret, là, qui est arrivé avec les 4 disques dedans, plus le livret, on se dit, waouh ! On a fait ça. On a fait ça, mais on est taré complet, et le livre n'est pas arrivé encore. Alors quand ça va être le livre, ça va être... Et oui, le livre n'est pas encore sorti, il sera disponible d'ici quelques jours, lancement le 25, un livre de, allez, 150 pages à peu près. Au moins 200 pages. Hein. Au moins 200 pages. Plus le cahier, cahier fanzine. Au moins 250. Voilà, 250 pages avec un feuillet spécial fanzine dedans. Ouais, alors on n'en a pas véritablement encore pris connaissance, et puis c'est forcément du coup dense de retracer 4 décennies passées. Ça va être compliqué aussi à la fois d'avoir partagé une partie de l'histoire et à la fois d'aller dans des choses qui semblent évidentes et de ne pas être dans un registre trop entre soi. Donc on va essayer quand même d'y voir très clair dans tout ça. Ce qui vous réunit peut-être là déjà tous quatre, vous évoquiez SWK pour revenir sur cette aussi histoire radiophonique parce que on s'était retrouvé là il y a quoi, peut-être 2 ans. Bah, 2 ans. C'était en 2021. On fêtait les 40 ans des radios libres, ouais. 81. Et donc on avait consacré aussi un événement un peu radiophonique autour de cet anniversaire. Et donc vous étiez venu nous rejoindre pour aussi nous partager cette histoire d'expérience assez éphémère d'une radio locale et complètement libre et folle, déjà furieuse à l'époque. Radio SWK, c'est, qui a existé durant quoi, 4 années ? De 81 à 85. Mm-hmm. Donc c'est un peu aussi de là qu'a été relancée cette idée de vous réunir à nouveau et de se dire que faire encore ensemble. C'était l'occasion de... On s'est retrouvés, quoi, parce que moi, j'avais pas vu Laurent depuis presque 40 ans. Dom, pareil. Hein, nos chemins avaient été différents. On avait... Et en fait, le fait de se retrouver, on a fait une petite expo chez notre copain Christian, qui tient la librairie La Ciguë, et il avait appelé l'expo sur SWK « Nous nous sommes tant aimés ». C'est un très beau titre. Et dans le fond, on s'est quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'on s'aimait toujours, quoi, que rien n'avait vraiment changé. Donc, on a échangé un petit peu nos visions, qui on était devenus, ce qu'on faisait, et ils ont parlé de leur projet de compil. Hein ? L'amour donne toujours des élans. Eh bien oui, ça facilite. Et en fait, c'est parti un petit peu comme ça, quoi. Et nous, par ailleurs, avec mon mari, il s'appelle Benoît, on a créé un fonds de dotation. Alors, un fonds de dotation, c'est une mini-fondation. C'est comme une fondation, mais en plus petit. On fait du mécénat, c'est-à-dire qu'on soutient des projets culturels. En fait, notre objectif, c'est de soutenir la création contemporaine. Alors, on est plutôt axé sur la peinture, l'art plastique, mais on aime bien la musique aussi. Et quand on a échangé avec nos vieux amis de SWK sur leur vieux projet, on s'est dit, voilà un beau projet, et on a soutenu et financé, ce qui aide quand même les choses pour arriver au bout. Mais enfin, ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus. Ah ouais, carrément, oui. Hein ? Ça a été un truc sympa à faire. Hein ? Long, compliqué. Forcément. Forcément. Voilà. Mais qui donne ou va donner lieu à ce bel objet ou ces beaux objets, à la fois un bel ouvrage. Oui. Et puis cette double compile. Quadruple compile. Ouais, enfin bon, oui, quadruple, pardon. Non. Je vais y arriver. Et attends, je vais y arriver. 4 vinyles avec 43 groupes, non mais c'est. C'est taré. Truc hein. De dingue. Françoise, l'histoire partagée en ce qui te concerne de cette aventure radiophonique aussi de l'époque Moi, c'est pas une aventure que j'ai partagée. Non. Je connaissais SWK évidemment, mais non, j'étais pas dans l'histoire et on se connaissait pas du tout. À ce moment-là. Et moi, je me suis branchée sur l'histoire parce que Dom m'en a parlé. Parce que bon, après, c'est important d'être un collectif, d'avoir des compétences mixtes pour s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et du coup, je me suis greffée au projet en début d'année dernière, en fait. Pour aussi suivre le montage, la réalisation, la construction finalement aussi de l'histoire. Oui, de toute façon, il y a plusieurs étapes. Si on essaye de découper en grosses étapes, il y a l'étape donc de recherche des sources qui va être dans ce livre. Qu'est-ce qui est important de montrer dans ce livre, donc aller contacter les gens, récupérer leurs témoignages sous forme d'interviews, de textes, etc. Après, de tout ça, alors moi je parle plus du livre parce que la compile c'est plus Lolo qui s'en est occupé. Et après, il faut savoir comment on va mettre en forme tout ça. Donc la mise en page, l'iconographie qui est hyper importante. Que ce soit des documents ou des photos. Et voilà, et après de faire le suivi de fabrication de tout ça pour que ça aboutisse à l'objet fini. Oui, et puis avec une mise en page, de voilà, collecter aussi ces archives, savoir oui. Comment le présenter, les présenter, les sélectionner. Enfin, ouais, effectivement, c'est un lourd et gros travail que vous avez assuré du coup de façon complètement bénévole, sans faire appel à la fois à vos compétences, oui. Mais je veux dire pas de compétences professionnelles en tant que telles pour une édition. Alors, sur l'histoire du bénévolat, avec Dom, on a une vieille histoire avec Avataria, parce que c'est toujours l'histoire de professionnel et amateur. À partir du moment où on est bénévole, c'est pas forcément qu'on est amateur dans le sens... Enfin, on est amateur, mais pas dans le sens, amoindre du terme. C'était pas péjoratif. C'est encore une histoire d'amour amateur qui aime. Voilà. Absolument. Exactement. C'est ça. Donc oui, ça a été beaucoup de boulot et c'est vrai qu'on a fait un boulot et ça c'est important aussi de le dire, c'est que du coup on n'est pas universitaire, on n'est pas chercheur ou chercheuse. Ni archiviste. Voilà, donc que ce soit la compile ou l'ouvrage, le livre, ce sont c'est absolument pas exhaustif. Il y a des partis pris de fait qu'on doit assumer. Et c'est sûr que voilà, il y a des gens qui n'y sont pas et c'est dommage. Mais bon, étant donné le contexte, on n'est pas parti dans une démarche qui allait éplucher et qui voulait être exhaustive en tout cas. Ah, c'est pas un volume 1, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Okay. On n'a pas discuté. Non, on finit de plier les cartons et... Voilà, et on verra pour la suite. Mais les choses sont dites d'emblée. Le truc, c'était un ouvrage collectif. Donc après, il y a les gens qui ont bien voulu participer et ceux qui n'ont pas voulu participer. Oui. Donc il y a des trous dans la musique, il y a des trous dans le livre. Absolument. C'est aussi parce que... parce que on est ouvert à tout le monde, ceux qui n'ont pas voulu venir ou ceux qui n'ont pas pu venir. Oui, puis... Voilà. On n'a pas la prétention de faire une étude hein, sur la scène musicale. C'est un ouvrage de copains quand même, hein, de témoignages. C'est une compilation, hein, notre livre en fait, de témoignages. C'est les gens qui ont fait les choses qui parlent. Et tout le monde n'a pas voulu parler. Ou on ne connaissait peut-être pas tout le monde aussi. Hein. Il y a aussi bien sûr. Mais ce n'est pas délibéré, quoi. C'est... Donc, alors on va en reparler d'ici un instant. Sur l'intention qui amène le résultat comme ça, les premières fois où on a parlé de l'ouvrage, plutôt pas, là je ne rentre pas sur la compile non plus, on parlait en termes de points d'eau. C'est-à-dire on va essayer de trouver des points d'eau, tu vois, les radios, donc SWK, Dio, les lieux, en se disant à chaque fois comme c'est des gens qui ont brassé plein de gens, ils vont avoir un témoignage, mais on leur donne la parole à eux. Et après c'est greffé des gens qu'on a rencontrés comme ça, mais avec du... Comme ce n'est pas des projets qui étaient dans l'immédiateté, ça a été un peu aussi compliqué de fédérer dans le temps les gens. C'est-à-dire que vraiment, je pense là, il y a plein de gens, quand ils vont voir le truc, ils vont se dire « Ah, ils l'ont fait, quoi ». Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru que ça aille jusqu'au bout aussi, vu l'ampleur que ça prenait petit à petit. On en reparle, on fait une petite écoute et plongée précisément dans cette quadruple compilation, Lolo. Et alors comme SWK me semble-t-il est un peu peut-être le tremplin, je ne sais pas, en tout cas et dénominateur commun, on va commencer avec justement un petit jingle qui figure sur la compile et qui va enchaîner avec un fameux groupe stéphanois aussi de l'époque. SWK 95. Not one. c'était Jingle SWK, 95 MHz. 94.6. Oui, enfin, la première fréquence qu'on a eue, c'était 95, donc d'où le jingle, mais voilà. Assez vite, on est passé sur le 94.6. Oui. Et là, je ne sais pas si nous étions en 95, en revanche, mais en tout cas, années 90, ça c'est sûr, avec un Bound to Fall des Six Pack, bien entendu, un de ces groupes qui figurent parmi les 43 de cette quadruple compilation. On revenait alors sur cette vaste entreprise. Alors, vous l'avez évoqué et dit d'emblée, assumé d'emblée, hein, un travail non exhaustif, forcément très, alors à la fois subjectif peut-être, sélectif. Alors précisément, comment vous avez procédé et vous évoquiez les parfois non-volontés finalement aussi de répondre, d'être présent. Comment a été reçu le projet quand vous avez commencé un peu à solliciter aussi, à prospecter? Comment a été reçue l'idée justement et l'intention? Parce que qu'est-ce qui a fait que peut-être pour certains, l'histoire ou les traces ou la trace pouvait peut-être créer malaise, je ne sais pas. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer cela et comment vous avez ensuite entrepris avec les... Il y en a qui ont refusé, hein, quand même. Il y a des personnes qui ont refusé, qui ne voulaient pas revenir sur le passé, non? Oui, tout à fait. C'est oui. Plutôt ça, ne pas revenir sur le passé. Ouais. En tous les cas, dans le disque, il y a ça. Dans le livre, Françoise, moi, je suis moins impliqué. Donc, mais, dans je le livre, pense moi, que... j'ai vu pas mal de gens. Après, c'est encore, il y avait aussi l'histoire de temps de réalisation du projet, comme tu ne voyais pas. Moi, où j'ai relancé pas mal de gens pendant le bouquin, il y a un truc qui m'a le plus aidé, c'est la réforme des retraites, parce que je voyais... Je voyais les gens toutes les semaines dans la rue en disant bon, t'as fait ton texte. Et au bout d'un moment, on avait le texte. Mais du coup, sachant que. Par contre, une chose qu'il n'y a pas eu, c'est que c'est-à-dire que nous, on a été un petit groupe moteur. Et effectivement, un des trucs que je n'ai pas trop vu, c'est des gens qui en parlent à d'autres gens. Tu vois, c'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est OK, on contribue et tout, mais on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas eu de retour à double bande, en fait. Très peu sur le truc. Puis des gens qui ont... Moi, j'ai vu des gens changer de posture en disant le passé ne m'intéresse pas, et puis de revenir deux semaines après en disant ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et qui ont eu besoin de... Donc tout le monde n'a peut-être pas fait... Mais d'une manière générale, tout le monde... trouver ça plutôt intéressant comme projet. Ouais, carrément. L'accueil était plutôt sympa. Le problème, après, il disait oui, super, ben je vais écrire un truc. Mais le temps passait et ils n'écrivaient rien. On a une bonne liste des textes non produits. Non, qui ne sont jamais arrivés. Hein. Oui, mais parce que c'est vrai que c'est pas évident. D'écrire un texte. Ça, c'est sûr. Alors, on a fonctionné aussi par interview. Oui, il y a beaucoup d'entretiens. Ouais. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut interviewer les personnes, faut prendre rendez-vous, faut que les agendas concordent. Après, une fois que l'interview est faite, il faut la retranscrire. Et là, c'est... Et une fois qu'elle est retranscrire, il faut la remettre en forme. Donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, effectivement, il y a certaines personnes qu'on n'a pas eu le temps d'interviewer, qu'on aurait bien aimé. Peut-être, et puis, tu as des histoires, comme celle, par exemple, de certaines radios stéphanoises qui ont tellement duré dans le temps que c'est très difficile de trouver le point d'entrée qui sent légitime pour écrire pour tout le monde. Tu veux dire un livre complet sur une radio? Par exemple. Et du coup, tu vois, le texte est bien long à aboutir, mais il est là, parce que pas de radio audio sur ce bouquin, ça aurait été quand même énorme, mais c'est typiquement quelque chose qui n'a pas été facile d'accoucher d'un vrai chouette texte pour radio audio, parce que, en plus, je l'entends, quoi, vous n'avez pas tous eu, il y en a qui ont traversé l'histoire, il y en a qui sont partis de l'histoire et dont le départ est lourd. Il y en a qui la font aujourd'hui. Il y en a qui la font aujourd'hui. Et donc pour vous, un message bien reçu, Dom. Ceci dit, effectivement, en tout cas concernant Dio, c'est sous forme aussi d'entretien, précisément que là ça s'est passé. Donc vous jonglez un peu entre les deux formes, à la fois entretien, à la fois papier, article écrit. Quelle était là aussi votre intention aussi là-dessus sur justement la proposition faite pour le bouquin, j'entends. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi le risque d'une certaine vision de l'histoire qui peut être encore plus subjective. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de la confier peut-être à personne qui serait... Qui regarderait avec de la distance. Ouais. Bah, je pense que ce n'était pas le pitch de l'histoire. Non. Je pense que les gens, ils ont raconté leur histoire, leur vision des choses. Comme ils ont voulu, quoi. Voilà. Et ouais. C'est encore de la même manière qu'on voulait pas, enfin, qu'on savait qu'on ne serait pas exhaustif. On ne voulait pas être un ouvrage de référence de quoi que ce soit. Non. En fait, moi, il me semble que même si on est imparfait dans tout, hein, d'ailleurs, il y a des textes très différents les uns des autres. C'est les gens qui ont écrit. Hein, on n'a pas modifié. On a respecté leur style. Oui. On n'a pas intervenu sur le contenu, par exemple. Non. Comment dire ? Même s'il y a des trous dans la raquette, notre approche, elle est plus large. En fait, on rend hommage à tous les gens, tous ces gens qui travaillent, qui font des choses formidables, dont on ne parle pas, en fait, ou peu, hein, qui sont un peu dans l'ombre. C'est, finalement, c'est ça. On veut montrer que dans cette ville, ben, y a une foule de gens qui sont des créatifs incroyables, ce sont des vrais entrepreneurs, ils sont capables de mener des projets fabuleux, ils n'ont pas forcément de moyens, enfin, je veux dire, c'est ça qu'on voulait dire aussi, non ? Absolument. C'est que ça pulse, et c'est de la vie. Ça existait il y a 40 ans, et ça continue. Non, ouais, c'est ça qu'on voulait dire aussi. Quand on voit que sur 40 ans, il y a plus de 100 fanzines qui sont sortis à Saint-Étienne, ça trouve le cul. Hein. Oh. C'est parti. Alors justement, vous avez essayé de balayer large. Comment on pourrait le... Alors parce que vraiment, le contenu est très dense. Et là, ce serait compliqué en quelques minutes que de faire ce tour d'horizon, hein, forcément de 4 décennies d'activité, d'activisme stéphanois. Mais donc, en gros, vous avez un peu, comment dire, construit un peu l'ouvrage ou ces témoignages de par diverses formes, faisant un peu focus sur justement divers type d'action. Ça va être des labels, ça va être des fanzines comme tu le disais, Laurent, ça va être des lieux, des bars, ça va être des collectifs, des assos, orgas de concert, ça va être des festivals, ça va être des groupes, des squats, des théâtres, du cinéma. Comment vous avez réparti un peu justement tout ça? La source s'est tapée dans le do-it-yourself, l'indépendant, l'underground, on peut appeler ça comme on veut. Donc ça laisse un cadre, ça donne déjà un cadre. Hein. On n'a pas été interviewé le fil, par exemple, c'était pas le propos. Je pense que Dom, tout à l'heure, ce qu'il a dit au niveau des points sources. En fait, voilà, la grille de départ, le postulat de départ, il était vraiment là. C'est-à-dire que c'était pas de faire un annuaire des artistes, des musiciens, des personnes qui ont compté ou moins compté, enfin en tout cas qui ont fait un terrain artistique à Saint-Étienne, mais c'était plus tous ces lieux, ces collectifs, le mot collectif c'est le plus juste, qui ont fédéré tout ça. Donc la clé d'entrée, elle était vraiment là, sur le collectif. Comme a dit Dom tout à l'heure, qui pouvait être bar, squat, label, salle de répétition, asso en tout genre. Voilà, oui, c'était vraiment ça. Ce qui fait vivre, en fait, ceux qui permettent que ça existe aussi, qu'ils le construisent, hein, qu'ils le font vivre. Ouais. Hein, c'est ça. Et ça s'arrête pas, en fait. Qui le font perdurer de façon indépendante. Voilà. Qui représente aussi, je pense, on a voulu être marqué toutes les 4 décennies, vu qu'on on travaillait, mais ça, c'est parce que certains parmi nous représentaient le début de la décennie jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et puis aussi représenter la diversité stéphanoise à la fois dans son indépendance et tout. Alors ça, sent le... Je pense qu'on sur la compile là-dessus, on a atterri au résultat qu'on voulait là-dessus. Parce qu'on avait vu plein de choses, et se passer dans des quartiers, et se passer des choses assez surprenantes. On voulait éviter que ça soit un brûlot punk, on voulait éviter que ça soit... Il y a un certain nombre de choses qu'on voulait aussi éviter, mais qui ont fait que de toute façon, je pense que même si on avait fait un brûlot punk, on n'aurait pas été exhaustif. C'est juste pas possible, en fait. On n'est pas des... ni des chercheurs, ni des archiveurs, ni des exhausteurs, en fait. Ouais, c'est pas, sur une ville comme Saint-Étienne, c'est pas possible. Tellement de gens qui se... Et à la fois restrictif aussi, parce que ça aurait forcément aussi éliminé plein de pendants de la ville sur d'autres esthétiques, par exemple, et qui en font aussi toute sa diversité. Tout à fait. Bien sûr. Vous avez aussi, en tout cas dans l'intention, vous voulez éviter cet écueil-là, quoi. Ça, c'est sûr, oui. Représenter l'éclectisme dans tous les niveaux de la ville. Hein. On s'est aperçu qu'on récupérait des témoignages rares et riches, finalement de tout le monde, mais tu récupères, je me rappelle d'un moment où on a rencontré Alawa en réunion, où c'était un moment magique, quand il a commencé à parler de son histoire, on s'est tous regardés en disant bah, « il faut vraiment qu'on ait le texte ». Et là, on a le texte, il va passer à la radio, je crois, mercredi après-midi, et c'est un témoignage. Ouais, et puis il y a vraiment des histoires intéressantes, et il y a des très beaux textes aussi. Il y a des gens qui écrivent très bien, et qui parlent très bien de ce qu'ils ont fait. C'était une belle surprise, moi, j'ai trouvé. Oui, il y a ce témoignage d'Alawa et son parcours, parce qu'à la fois sur son histoire de la ville artistique, mais aussi socio-culturelle, je dirais, et à la fois son pendant artistique pur avec Isnayen et ce groupe qui a marqué aussi fin des années 80, milieu des années 80. Ils auraient été dedans. Moi, je les ai comptés comme fin 70. Ah. C'est pour ça que malheureusement, ils ont été, entre guillemets, exclus. Comme pour les artistes post-2020, ils ont été exclus aussi, parce qu'il faut bien commencer un moment et puis s'arrêter un autre. Il faut opérer une sélection. Alors, pour donner un peu une idée peut-être précise, puisque finalement, vous l'avez présenté un peu ainsi, ce livre, c'est notre histoire, mais donc c'est aussi votre histoire. Alors, pour en donner un peu un petit exemple, je me dis, on peut faire un peu focus précisément, aussi pour que ce soit clair peut-être pour nos auditeurs, auditrices, avec vous là, présents aujourd'hui. Ton histoire, on va commencer Françoise par exemple. Où sont toi tes points, les points de repère justement? Donc tu l'as présenté un peu tout à l'heure en ouverture, mais cette histoire-là, toi, c'est Toto. C'est ça démarre avec Toto n'aime pas la soupe, avec Bruno. Bruno Meillet qui sera là demain dans ce même programme. Au même moment, moi j'ai rencontré les Matsko, surtout Dom et Vallée. Donc on a fait des choses ensemble. Toto n'aime pas la soupe, Matsko. Puis après j'ai quitté Toto n'aime pas la soupe et je suis rentrée dans Avataria. Voilà. Et puis parallèlement à ça, après il y a d'autres aventures parce que c'est pas si figé que ça. Il y a plein de passerelles, le festival des résistances, quartier libre, plein de choses. Après c'est comment on est en mouvement dans la cité. Et qu'on essaye d'apporter quelque chose à la vie collective de cette cité culturelle, voilà, et pas que non plus culturelle. Bon, bref. Donc voilà, mon histoire, c'est celle-là. Toto n'aime pas la soupe, festival de musique innovatrice, oui, qui existait si tu veux faire un petit rappel rapide, c'était quoi? Alors, fin 80, les dates, je dirais que c'était plutôt fin 80, 88, fin 80, et ça s'est arrêté il y a 7, 8 ans, un truc comme ça. Voilà. Je ne suis pas hyper bon sur les dates. Hein. Regarde-moi. Festival qui regardait tes pieds. Qui se déroulait en différents lieux de la ville. Oui. Et festival qui, aussi sur ces dernières éditions, sur le musée de la mine de Saint-Etienne, par exemple, à tout l'image fait. Et à l'instar d'Avataria, par exemple, et d'Avataria. Bah, c'est eux qui ont ouvert le bal au niveau de l'occupation du lieu. Oui. C'est Philippe Père qui avait. Envisager avec Bruno de faire le festival là-bas, qui lui a ouvert ses portes. Et après, nous, on est allé aussi avec Avataria. La transition est faite. Ok, moi, je ne vais pas être exhaustif. Non. Je préfère. Moi, je dirais, c'est l'histoire d'un gamin qui sort du lycée, qui rentre dans un magasin qui s'appelle Blue Note, qui prend une grosse tarte, qui fait une super rencontre. Qui s'aperçoit que ce personnage qu'il rencontre, qui s'appelle Lolo, qui est là, il fait de la radio avec des gens qui sont là et que c'est welcome, viens faire le truc. Ils font des labels où je les voyais couper des cassettes pour des départs arrêtés, parce qu'à l'époque, il fallait des départs arrêtés sur les cassettes et machin. Départ instantané. Pardon. De la quadruple. Et après, s'ensuit d'autres rencontres, Mats collectif, des concerts, plein de trucs. Regarde de concerts. Jusqu'à Avataria. Tu peux préciser, alors t'es pas bon dans les dates, mais bon, on va dire Matsko. Ah, si, c'est 89-99, Mats Collectif, avec des festivals et du. En plus, j'ai révisé l'émission d'avant. Voilà. Avec des festivals et une grosse programmation au Mistral gagnant, entre autres. Festival Gagarage notamment, Melting Dub, et puis Avataria, plus en mode là qui s'ouvre au-delà de la musique, aux conférences, aux rencontres, et qui lui travaillait principalement sur le festival Avatarium. On a un peu de mal des fois à les distinguer. Et voilà quoi, jusqu'à aujourd'hui. Rania. Puisque annonce officielle ce matin de la fin d'Avataria. Ah oui, en live. En live, ici sur nos ondes. C'était le scoop, ouais. Ils pleuraient tous, les pauvres. Ok, donc mais c'est bien de savoir s'aborder. Non, mais c'est vrai, moi j'ai fait ça avec Kronstadt. J'ai fait ça avec Blue Note, j'ai fait ça avec Kronstadt. Il y a un moment, tu s'abordes pour pouvoir rebondir. Enfin, on l'a fait ça avec la radio, SWK aussi. C'est quand ça commence à sentir le coup de grisou ? Non, la pub était autorisée. On en avait hein, quand même. Local et national aussi. Hein. Et puis on s'est rendu compte que on pourrait pas faire vivre une petite équipe quoi de base. Et on avait quoi, un salarié et demi peut-être déjà ? Ah mais déjà à l'époque quand même. Oui. Ah, j'ai été salarié pendant quelques années. Oui. Et on s'est rendu compte, on avait des jeunes, Dom il avait 15 ans hein, à l'époque, alors je ne sais pas si Dom il avait des prétentions de... Enfin on avait d'autres jeunes qui donnaient de leur temps, de leur énergie, et on ne voulait pas les exploiter non plus avec des promesses mensongères. Et l'avenir qui se dressait devant nous en 85, c'était ou de devenir franchisé, ou devenir une radio, une vraie radio associative. Et nous c'était pas notre schéma, notre format en tout cas. Hein. Donc on a préféré arrêter quoi. Alors bon, il y a eu aussi des circonstances, mais enfin le fond c'était ça hein, quand même. Et fin de cette expérience radiophonique. Voilà. Mais donc, bon, 40 ans après, la preuve en est, on est capable de refaire des tas de choses ensemble. Et ça c'est chouette. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc... rafraîchissant, ouais, ça. C'est sûr. Hein ? Alors, bah oui, bien sûr, c'est rafraîchissant. Alors, même une radio, si on a des assos, orgas de concerts et festivals. Et puis, alors, le grand tonton, si je puis me permettre. Mais alors, Lolo, toi, t'es multicarte, multicasquette, mais t'as. Oui, t'es. Bah alors, c'est toi qui marques un peu le début de cette. Oui, mais enfin, j'arrive pas sur rien. Hein. C'est-à-dire qu'avant Blue Note, avant Kronstadt, tout ça, il y avait l'Antibroge, qui était un lieu alternatif politisé et culturel, qui faisait aussi resto, si je me souviens, vachement important. Il y avait, c'est donc, un peu là-bas que Dio s'est d'ailleurs un peu. Je crois que c'est Dio a démarré de là-bas, absolument. Il y avait aussi l'organisation de concerts Lady Madonna, comme je parlais tout à l'heure, mais c'est pour l'émission d'avant. Et oui, fin 70. Donc il y a eu toujours des trucs. Johan Sandon qui faisait une émission aussi sur Dio, bien sûr, et sur SWK. Mmh. Aussi. Et puis en fait, moi, j'ai rencontré Tony, Oldrat, et moi j'avais 18 ans, et on a décidé d'ouvrir un magasin de disques. Mais un magasin de disques pas comme les autres. C'est-à-dire pas de variété, pas de classique. Pas de livre pour enfants, c'était pop, rock, jazz, point, voilà. D'où la référence Blue Note d'ailleurs, label. Absolument. Ouais. Et en fait, on était un des tout premiers magasins alternatifs en France, et on l'appelait même pas comme ça, on se rendait même pas compte de ce qu'on faisait, on faisait juste ce qu'on avait envie de faire. De là, j'ai enchaîné sur le label Kronstadt, parce que... Bon, j'ai sabordé le magasin, parce que j'avais fait le tour, et j'étais parti sur le label... Kronstadt Tapes. Kronstadt Tapes, on a sorti un certain nombre de groupes stéphanois et après on est sorti de la ville. Et pour financer cette histoire-là, on avait un atelier de fabrication de cassettes. Et c'est ce qui finançait le label et on a eu quelques salariés pendant quelques années. Jusqu'à un moment où on s'est encore sabordé pour des histoires qu'il fallait investir beaucoup. La cassette c'était quand même un peu la fin de vie. Donc j'ai tenté le coup de n'avoir que le label. Et là, c'était du sabordage un peu obligé, par contre. En fait, on s'est sabordé en arrêtant la fabrication de cassettes. De cassettes. Le label, il pouvait pas se suffire en lui-même, ça c'est sûr. Bon, puis en parallèlement, évidemment, dès que SWK est né, j'y suis allé comme plein de gens, parce que c'est l'explosion des radios libres, c'était l'ouverture de l'expression libre. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on tournait avec trois chaînes de télé et quatre radios, quoi. Donc cet espace-là, quand il s'est ouvert, ça a correspondu à l'explosion de pas mal de choses, hein, des salles de concert, des groupes autonomes, des labels, toute cette radio, et tout ça a fait un gigantesque réseau qui a permis de l'émergence de groupes comme Berruer et Noir, La Mano Negra. OTH. OTH, bien sûr. Toute la scène alterno aussi de l'époque. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à la radio, on recevait beaucoup d'artistes et on programmait beaucoup, beaucoup de cette nouvelle scène. Alors c'est marrant, tu dis salle de concert, en même temps, à Saint-Étienne à l'époque, il a fallu d'ailleurs attendre pas mal de temps avant de voir une salle de concert digne de ce nom, on va dire, arriver à Saint-Étienne. C'était pas chose forcément évidente à l'époque. C'était pas quelque chose qui était... Non, il a fallu attendre... On squattait le Pax, qui était un foyer de jeunes travailleurs catholiques. On squattait un peu la salle Jeanne d'Arc, avant que ça soit Javel. La Colombe. Tout ce qui pouvait nous ouvrir un peu les... Et puis sortir même des lieux dédiés, ou même de la ville, en fait. Vous avez aussi programmé dans... des lieux pas forcément... Après on a essayé de faire le festival Partie Civile, on peut avoir des choses dans le bouquin qui racontent un peu ça, je crois. Et nous on est sortis de Saint-Thé une ou deux fois aussi, ouais. Par contre je me rappelle même plus... Au Chambon, l'Andenne... Au Chambon, on a ouvert la Forge, Rive de Gier, le Nec, ouais. On a fait un festival de garage au Nec. Bah oui, de toute façon il n'y avait pas de rien ici, hein. Bon, quelque part, on avait plus la pêche et plus la hargne d'être obligé de fouiller, de faire tout nous-mêmes, plutôt que s'appuyer sur des SMAC, sur la culture institutionnelle. Au bout du compte, c'est presque aussi chiant que le showbiz. Alors je me permets une petite question, justement, pour avoir parcouru très rapidement l'ouvrage, qui est très beau et dont j'attends l'objet physique, bien sûr, sous les yeux. Mais quelque chose qui m'a marqué à la lecture, comme ça, un peu en diagonale, parce que tu parles justement d'institutions, et là, dans cette histoire aussi de notre histoire indépendante de la ville, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'à deux reprises, vient ponctuer l'ouvrage avec ce titre « Musée d'art moderne ». J'aimerais savoir, au sein de l'ouvrage, quelle est la place... de cette histoire. C'est exactement à l'aune de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une histoire d'opportunité. C'est qu'il y a une des personnes de notre collectif, en l'occurrence Christian Jean-Pierre, qui est un grand bavard, un grand... comment dire, qui parle, qui connaît beaucoup de monde et qui parle beaucoup et qui discute beaucoup, qui échange beaucoup et qui... à qui Jacques Beaufort a raconté ses anecdotes et qu'il les a écrites. Et on trouve que c'est intéressant. Parce que c'est si tu veux, Musée d'art moderne, c'est deux ponctuations comme ça dont lui il se souvient, il y en a peut-être eu d'autres, mais justement dans un cadre comme ça très institutionnel et très sacralisé qu'est un musée. Ça a été deux interventions musicales intéressantes. Alors, okay. Il faut dire aussi que le fonds de dotation HB qui soutient le projet Furania, nos actions habituellement sont plus axées sur l'art plastique, la peinture. Donc on a des liens, si vous voulez, avec des gens comme Jacques Beaufort qui a écrit ses articles. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans ces deux petits textes qu'il nous a écrits, c'est qu'on parle d'artistes, de peintres connus. Hein, Pink, c'est un artiste connu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont venus à Saint-Étienne quand ils étaient jeunes et pas connus. Et ils ont tous les deux, enfin les deux témoignages, fait de la musique. Et une musique plutôt un peu abracadabrante, un peu choquante. C'est qui, Pink et Combat ? Et Combas, oui. Et Combas, oui. Et alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont sorti ce qui était un petit peu... un peu quand même do it yourself, hein, aussi, dans leur... Parce qu'il présentait un truc de musique à son examen des Beaux-Arts qui était complètement, excusez-moi, bordélique, hein. Mais ils ont trouvé ça bien. Ça veut dire aussi que les gens de l'institution sont capables, des fois, de voir aussi... des trucs un peu étranges et... Oui, voilà. Non, mais c'était juste une petite question, voilà. Sans vouloir heurter qui que ce que soit, mais c'était virule, comment là. C'était opéré cette intention et cette volonté de laisser place, quand on vous évoquait au départ cette idée générale ou générique de l'invisible, de démontrer aussi les actions ou acteurs, actrices de l'ombre. Et on sait que ce qui se passe à la marge, bien souvent, peut aussi facilement évoluer dans ce que peut être l'institution ensuite en devenir. Donc voilà, c'était juste savoir un petit peu voilà, comment s'était opéré aussi ce choix, en tout cas. Mais c'était un peu c'est en fait aussi du hasard et des gens qui ont bien voulu, comment dire, amener leur... Et puis ça participe à la multiplicité des points de vue. Voilà. Je pense que c'est important qu'on se mette, que du coup on ait tous ces textes qui sont à des endroits différents, qui parlent à des endroits différents. Est-ce que vous avez procédé à une certaine chronologie aussi finalement ? Ou pas du tout. Oui. De fait, mais c'est pas toujours simple parce que t'as des choses qui se croisent, qui se marchent dessus. Hein. De fait, on a essayé quand même. On a tenté, oui. Je pose plus la question pour les deux finalement supports. Bah, disons que pour le disque 4 décennies, 4 disques, c'était plus facile de toute manière au départ pour rien que pour concevoir de classer les choses par chronologiquement, quoi. Donc ça a fini un peu comme ça, même si dans le disque il y a des groupes de 90 qui se retrouvent dans l'autre. Enfin, il y a quelques manqués comme ça qui sont aussi dus à de la technique, à des problèmes techniques, qu'à des oublis ou des bourdes d'avoir trop fumé. Hein, ça peut arriver. Après, en gros, effectivement, ça part de 80, ça arrive à 2020. On a essayé. Disons que ça nous a permis d'avoir des espèces de fil, un fil conducteur. Une trame. Mais de par tes questions et le fait d'être exhaustif, pas exhaustif, finalement, l'équipe qui a constitué ce projet, les porteurs, c'est quand même une équipe assez différente de par ses expériences et son vécu. Et chacun a amené quelque chose qui fait que. T'as un peu une compilation de toutes ces choses qui ont été amenées avec des fils conducteurs qui a été le temps et les points d'eau qu'on a pu évoquer. Mais c'est une des choses qui fait que ça peut être surprenant pour les uns parce qu'il y a un peu un bout de tout ça et du coup nous les gens qu'on a pu rencontrer. Je suppose que si le bouquin avait été écrit que par Lolo, il n'aurait pas tout à fait la même teinte forcément quoi. En fait, quand on a proposé aux gens d'écrire les choses, beaucoup ont répondu, moi le premier d'ailleurs, je sais pas écrire, donc il faut qu'on vienne me tchatcher et là je pourrais raconter. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'entretiens, parce que c'est pas évident, et beaucoup d'absents, parce qu'il y a des gens qui disent, je suis désolé, moi je sais pas écrire, et je sais pas répondre... Et aussi dans l'équipe, pour finir sur l'équipe du projet global, elle est purement locale, parce que de l'imprimeur, là c'est Aroma Calavera qui nous fait la sérigraphie, c'est Jean-Jacques et Eric qui ont fait la mise en page, tout a été géré par volonté, en vos compétences en interne. Aussi. La promotion, on l'a fait sur Radio Dio. De par le mécénat du fonds de dotation, c'était extrêmement important de faire travailler localement. Oui. C'est-à-dire, dès que tout ce qui a été fait à l'extérieur, c'est qu'on n'a pas pu le faire ici. C'est-à-dire, par exemple, les masters des albums, ils ont été faits ici aussi. On n'a pas été chercher à Lyon. Et avec des coupes sur des gens qui ont pu se travailler sur des décennies qui ont masterisé. Oui, par exemple. Enfin, là, c'est pour rentrer dans le détail, mais effectivement, on a pris deux mastereurs parce que sur 40 ans, il y a plusieurs générations d'ingé son. Et c'était bien, c'était important de faire travailler tout le monde et de représenter tout le monde. Donc en gros, on va de Babylon Fighters à Zone Infinie, si je prends du point A au point B, à peu près. Et là-dessus, il y en a 40 et une autre. Avec des titres qui sont quoi, qui ont été cédés de façon comme ça, avec des choix d'inédits forcément. Les artistes, ils avaient le choix de donner ce qu'ils voulaient. Donc moi, des fois, j'étais pas tout à fait d'accord avec l'artiste, mais c'est eux qui avaient évidemment la décision finale. Ok. Eh bien, pour ce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission, et quasiment pour terminer, comment va-t-on pouvoir se procurer ces beaux objets ? Parce que alors, on évoque le mécénat, on évoque cette aventure là, collective et amoureuse ou amicale, je ne sais pas. Mais du coup, quelle est aussi l'idée là, dans la suite, une fois qu'il va sortir ? Parce que ce sera donc le 25 pour la soirée de lancement, on va le rappeler d'ici un instant. Il y aura possibilité de se procurer ce livre-disque ? Alors, l'intention en fait, notre intention, on va en offrir à peu près la moitié de tout ce qu'on produit à tous les contributeurs, tous les gens qui ont participé. que ça soit. Ça fait déjà du monde. Hein. Donc ça fait environ 400 là. Ça fait même plus de 400. Je pense qu'on 400, va, on va tourner à 450 à peu près. On tire à 800. Et les autres, on va les vendre, mais on va les vendre en dessous du prix que ça nous coûte, en fait. Pour que ça reste accessible. Pour que ça reste accessible. Parce que aussi, le fonds de dotation ne fait pas de business et ne veut pas gagner d'argent. Mmh. Hein. Donc, c'est vraiment de la philanthropie. Et il sera en vente, on dit, à 50 euros. 50 hein. balles, c'est annoncé comme ça. Voilà. Ensuite... Alors, on pourra le retirer lors de la soirée, hein. Si vous êtes contributeur, on pourra l'acheter aussi lors de la soirée. Oui. Et puis après, on aura quelques points de vente à Saint-Étienne, des librairies où on pourra l'acheter s'il en reste. Voilà. Et on va essayer d'éviter la spéculation dessus. Parce que j'ai un exemple. Déjà à Montpellier, bien sûr, un soldeur, un mec qui fait tous les salons, les machins, les bidules, tout de suite il a capté. Et lui, il veut en acheter plusieurs. Et je dis, non, t'en achètes un. Et puis, tu pourras en acheter d'autres éventuellement, quand tout le monde sera servi. Parce que lui, je le vois, il en achète 5, il attend un peu, il va les ressortir à 80 ou 100 balles. Voilà, bon entendeur, les Donc filous. Ça, négatif. Ok. C'est pas l'esprit. On veut pas faire de business, mais on veut pas qu'il y en ait qui en fasse non plus. Pas de mec, oui. Furania, donc en sortie prochaine, soirée de lancement, c'est le 25 novembre, un livre, compilation 4 vinyles. Dernier mot sur cette soirée de lancement du Méliès Saint-François le 25 avec parce que c'est annoncé soirée de lancement mais on est dans un cinéma. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va s'y passer pour donner un petit avant-goût. Alors en gros, on va avoir l'équipe présentera le projet. Il y aura des projections de clips, de live, des choses comme ça. Il y aura quatre performances, concerts, performances, parce que c'est plutôt de la performance que du concert. Il y aura des interventions des photographes. Et au milieu, il faut qu'on arrive à caser ça en 4 heures. Ok. Et un DJ set, et puis du bar, et puis... Oui, Hélène. Je voulais remercier Dio quand même, parce que j'ai trouvé que vous avez une sacrée programmation là, pour soutenir notre lancement, notre projet, pour soutenir Furania. Vous avez vraiment chapeau. Merci à vous, en tout cas. Sympa. Yes. Merci du retour. Donc rendez-vous le 25 novembre à partir de 19h30 au Méliès Saint-François, quartier du même nom, bien entendu. Cette live attendue avec certaines figurant d'ailleurs sur cette compilation, qu'on peut parler aussi des filles quand même présentes, mais enfin, si, représentées. On n'est pas encore dans une certaine forme de parité ou d'équité. Mais on a essayé. Hein. Vous avez essayé. En tout cas, figure Raymond Howard, pour exemple. Qui a aussi marqué l'histoire de cette scène féministe indé à Saint-Thé par multiples aventures musicales. Son dernier projet solo, Raymond Howard, et qui se produira d'ailleurs au Méliès Saint-François le 25 au soir. Et puis pour ce Furania, c'est aussi ce festival, comme tu le disais Hélène, Furieuse Furania sur notre antenne, qui va se prolonger tout au long de ces jours à venir. On reçoit demain Toto N'aime pas la soupe, mais qui est aussi les I, qui est aussi Orchestral Label aujourd'hui. Bruno et Isabelle qui seront avec nous demain, et puis plein de programmes spé tout au long de cette semaine. On vous renvoie sur notre site dédié, c'est Ferrarock, non, c'est radiodio.org surtout. Autrement, il y a toujours le Facebook de Radio aussi. SWK. Voilà, et nos réseaux sociaux également. Et le site de Radio SWK qui, pour l'instant, chapote et héberge tout ce projet-là. Allez, on écoute Raymond Howard en guise de générique de fin, The Naked Line, pour terminer. Merci beaucoup. À vous. Bisous. Merci beaucoup. Et félicitations. Bravo pour ce gros travail réalisé. À très vite. Tout bon chez vous. Portez-vous bien. Ciao, bye.